Merci d'être avec nous dans ce journal dont voici tout de suite le sommaire. L'approvisionnement en carburant reste problématique tant que le gouvernement ne trouve pas de solution durable. Selon le président du parti UPRONA, demander aux propriétaires des stations-service de transporter eux-mêmes le carburant à partir des entrepôts de Gitega est une charge supplémentaire. Toujours pas de signature de contrat entre le ministère en charge des bâtiments et la société Ubaka Nation qui devrait reconstruire l'ancien marché central de Bujumbura. C'est aussi le silence média sur l'argent déjà collecté pour ce projet. Et les licences d'exploitation des débits de boissons régies par la loi des finances pour l'exercice budgétaire 2025-2026 importent peu pour les commerçants. L'essentiel est que les produits à vendre soient disponibles. Voilà pour l'essentiel. Isanganiro, la radio de l'avenir. Ouvrons ce journal par cette nomination par l'Union africaine du président de la République du Burundi, Evariste Ndayishimiye, comme envoyé spécial de cette organisation dans la région du Sahel. La nouvelle a été rendue publique à travers un communiqué de ce 17 juillet 2025. Exiger aux propriétaires des stations-service de transporter eux-mêmes le carburant à partir des entrepôts de Gitega est une charge supplémentaire. Réaction du président du parti UPRONA qui demande au gouvernement de trouver d'autres solutions à l'approvisionnement en produits pétroliers. Suivez les explications d'Olivier Nkurunziza. Au niveau du parti UPRONA, c'est une déception totale, mais aussi ça nous fait honte parce que au niveau du commerce, il faut toujours respecter le contrat. Si le Sopebu et les propriétaires des stations pétrolières se sont convenus dans leur contrat que la Sopebu va amener le carburant jusqu'à Bujumbura ou sur d'autres points, je ne sais pas où, on devrait respecter le contrat. S'il y a un changement, il faut s'asseoir ensemble et décider et trouver une décision qui aide tout le monde. Parce que ce ne sont pas les propriétaires des stations qui devraient travailler à la perte. S'il y a un changement, il faut effectivement poser la question et aussi étudier cette question et trouver une solution gagnant-gagnant. On ne pouvait pas dire aux propriétaires des stations d'aller amener les stations, alors que eux, dans leur contrat, ce n'était pas du tout. Ils ne peuvent pas alors faire la vente du pétrole à perte. C'est la raison pour laquelle, au niveau du parti UPRONA, effectivement, je trouve ça que c'est la responsabilité de la Sopebu devrait se mettre ensemble et voir le gain ou la perte des commerçants et savoir comment compenser cette perte afin de trouver une solution en cas de crise, en cas de problème. Et d'ailleurs, on avait dit que ça, c'est un problème de 10 jours et voilà, c'est plus d'un mois. Et la conséquence, c'est la population burundaise qui manque ce produit de première nécessité. Et c'est la hausse des prix. Dans les familles, vous voyez que la cherté de la vie est là, les prix de déplacement, et ça complique la vie de la population burundaise alors que c'était une vie intenable. Alors ça vient accentuer encore le problème. Alors au niveau du parti UPRONA, si la Sopebu n'est plus capable de trouver cette solution, nous faisons recours au ministre, au gouvernement, au président de la République, parce que c'est eux qui sont responsables de la vie de la population burundaise. Ils doivent tout faire pour que le bien-être de la population soit là. Alors si c'est compliqué, ils risquent d'échouer de leur mission. Alors au niveau du parti UPRONA, étant parti politique, étant encore faisant partie de la population burundaise, nous souffrons les Burundais. Ce que nous demandons effectivement, c'est d'urgence de se mettre ensemble et de trouver une solution qui est facile à résoudre. Olivier Nkurunziza, président du parti UPRONA, certains détenteurs de stations de service de carburant en mairie de Bujumbura se lamentent que la procédure de distribution de carburant aurait changé sans concertation. Ils disent qu'ils préfèrent attendre une longue période pour qu'ils soient provisionnés en mairie de Bujumbura pour éviter d'enregistrer des pertes. Et face à cette situation, et certains conducteurs de taxi opérant dans le sud de la capitale économique disent craindre que leur approvisionnement en carburant déjà au ralenti ne s'empire. Il demande à la SOPEBU de se concerter avec les propriétaires de ces stations pour vider cette question. À ce sujet, le directeur de la société pétrolière du Burundi, Samuel Ndayisenga, joint au téléphone lundi par la rédaction, a indiqué qu'il s'agissait d'une mesure temporaire qui ne devait pas dépasser une semaine. Il a précisé qu'elle ne concernait que les propriétaires des stations qui en ont la capacité et que donc la procédure de distribution du carburant n'a pas changé. Et l'association des commerçants du Burundi, Akobu, estime que l'important est de rendre disponibles les produits Brarudi au lieu de majorer le coût des licences d'exploitation des débits de boissons de modèle C. Déclaration de son secrétaire général Jean Samandari après que la loi budgétaire en cours ait établi une hausse des licences de cette catégorie. Il plaide pour la disponibilisation des produits Brarudi. On l'écoute. Le communiqué du ministre ayant le commerce dans ses attributions relatif aux licences d'exploitation de débit de boissons qui date du 14 juillet 2025. Et ce communiqué fait référence à la loi budgétaire 2025-2026 en son article 110 qui précise les nouveaux tarifs, les nouvelles taxes pour les exploitations de boissons du type modèle C à partir du 1er juillet 2025. Et cela veut dire qu'il y a par exemple dans le modèle C quatre catégories, C1 qui va payer 10 millions, C2, 20 millions, C3, 30 millions, C4, 50 millions. C'est bon d'informer le public, de mettre à la portée de tout le monde, puisque il n'est censé ignorer la loi, ce que disent les juristes. Alors, l'essentiel, ce n'est pas seulement cette loi, ce n'est pas ce communiqué. Ce qui est essentiel pour le commerçant, quand il a payé cette taxe, il faut qu'il trouve les produits pour mettre à la portée de ses clients. Et sinon, quand il a payé ses taxes, alors qu'il n'a pas de produits à vendre, vous voyez que c'est un manque à gagner pour ses commerçants. Alors, ce que nous pouvons demander au gouvernement, c'est de disponibiliser les produits, notamment les produits Brarudi, qui sont devenus très rares, et afin que les exploitants puissent trouver les produits, puissent trouver les marchandises. Et maintenant, ils vont vendre selon les catégories, selon les modèles, et ils vont payer aussi les taxes, puisqu'ils auront reçu les gains, et il n'y aura pas de problème pour payer ces taxes, puisque les taxes contribuent au développement du pays, contribuent à la relance économique aussi du pays. Jean Samandari, c'est le secrétaire général de l'association des commerçants du Burundi, Akobu. Il vient de le rappeler, les détenteurs de débits de boissons de modèle C doivent désormais payer une somme comprise entre 10 millions et 50 millions de francs burundais pour la licence d'exploitation, selon la loi régissant le budget général de l'État exercice 2025-2026. À ce sujet, le ministère du Commerce, dans un communiqué irrelatif du 14 juillet, a invité ces derniers à actualiser leur licence et à payer avant le 15 août 2025. Et l'Association burundaise des consommateurs voit d'un mauvais œil la latitude accordée à l'Agence nationale de gestion stratégique des stocks alimentaires de délivrer des licences d'exportation du maïs. Selon le secrétaire général de l'ABUCO, l'ANAGESA devrait d'abord s'assurer que la production nationale couvre les besoins locaux avant d'envisager toute exportation. Noël Nkurunziza a également souligné que la population aurait dû être informée des règles encadrant les prix à l'exportation afin de prévenir toute irrégularité. Suivez-le. La NAGESA qui a le monopole de collecte d'achat de grains de maïs dans le pays donne aussi l'autorisation d'exporter ce grain de maïs. Nous pensons au niveau de la BUCO que cette situation doit être suivie de près pour que cette société, cette agence de l'État ne puisse pas finalement être en amont et en aval d'une situation, si bien que on ne saurait même pas à quel taux d'intérêt ils doivent vendre parce que nulle part nous connaissons une réglementation en la matière. Et il faudrait qu'on prenne la connaissance finalement quel est le taux d'intérêt, encore qu'une agence de l'État ne pouvait pas faire le commerce du genre, ce qui était compréhensible et ce qu'il devait stocker pour l'intérêt du consommateur et pour la consommation intérieure. Mais c'est vrai, quand il y a une production excédentaire, c'est vrai, il faut que ce soit vendu à l'extérieur, mais à quel prix? Et c'est une grande question qui garde justement sa place. Vous n'avez pas Isanganilo? Vous ratez l'essentiel. Le début de la reconstruction du marché central de Bujumbura est suspendu à l'approbation et à la signature du contrat de partenariat public-privé entre le ministère en charge des infrastructures et la société Obaka Nation qui en a gagné le marché. Présentant les réalisations ce jeudi, Fabrice Manirakiza, à la tête de ce projet, a indiqué que les travaux préliminaires ont coûté à la société Obaka Nation 2 milliards de francs burundais. Il se réserve néanmoins de communiquer sur le total du capital déjà collecté, mais rassure qu'il est de droit pour toute personne qui le veut de s'informer auprès de la société Africa Dreams Assets ADA. On l'écoute. Parmi les réalisations d'Obaka Nation Group, nous avons déjà fait des études géotechniques. Deuxièmement, nous avons fait une conception architectique. Trio, ce sont des études liées à la durabilité de ces infrastructures. Du côté gouvernement, nous avons eu de la part du Conseil des ministres du 26 février 2025 l'autorisation de continuer les travaux. Grosso modo, nous attendons le rendez-vous d'apposer nos signatures sur le contrat partenariat public-privé avec le ministère des infrastructures. Nous espérons que c'est dans les meilleurs délais. Nous vous garantissons que après la signature de ce contrat, les tracteurs seront dépêchés tout de suite pour débuter les travaux. Nous sommes prêts à 100%. Nous avons déjà négocié ce contrat et c'est bien fait. Nous attendons seulement le rendez-vous de signature. Je tranquillise les actionnaires que leurs fonds sont là et sont bien contrôlés. N'ayez pas peur parce que la position d'Obaka Nation n'est autre que défendre leurs intérêts. Leurs fonds seront utilisés après la signature du partenariat public-privé. Fabrice Manirakiza dirige la société Obaka Nation. Il était traduit par Omer Ndouayo. Rappelons que le Conseil des ministres du 26 février cette année a estimé que le coût global de ce projet s'évalue à plus de 570 milliards de francs burundais. En cette date, près de 5 000 actionnaires s'étaient déjà engagés, avaient déjà contribué à hauteur de plus de 4,5 milliards de francs burundais et légèrement de plus de 345 000 dollars américains. Et ce Conseil des ministres a donné un feu vert au ministère en charge des infrastructures pour négocier et signer la convention en vue de permettre à Obaka Nation Group de commencer les travaux. Contribuer au développement pour que le Burundi atteigne un avenir meilleur, tel est l'objectif du concours Inkingi Imbonankazoza organisé par la diaspora burundaise. C'est ce qu'a déclaré Samuel Ndayiragije, représentant de la diaspora burundaise, ce mercredi dans la province de Buhumuza, lors du lancement officiel de ce concours destiné à mettre en valeur divers talents dont le dessin, le chant et d'autres disciplines. Le conseil juridique du gouverneur de la province de Buhumuza lance un appel aux jeunes pour qu'ils valorisent et exploitent leurs talents de manière responsable afin de contribuer à un développement durable du pays. Envoyé spécial de la rédaction, Clovis Nyonguru. Une ambiance vibrante a régné sur le terrain de football de la zone et commune de Changuzo en province de Buhumuza à l'occasion du lancement officiel du concours baptisé Inkingi Imbonankazoza, c'est-à-dire pilier de la vision du Burundi, une initiative portée par la diaspora burundaise en vue de promouvoir l'unité, le savoir, les talents des jeunes. Ce concours est organisé autour de 5 disciplines artistiques, le dessin, le chant, la poésie, le théâtre et l'humour. Il vise à encourager les jeunes à s'exprimer tout en valorisant leur potentiel au service du développement du pays. Samuel Ndayiragije, représentant de la diaspora burundaise, déclare que ce concours a été pensé pour que chaque Burundais voit concrètement que notre pays avance. Il ajoute aussi que c'est un appel à changer nos mentalités et à croire en notre avenir commun. Nous ne pouvons pas atteindre un développement durable sauf si on change nos attitudes et mentalités. Nous avons commencé sur cette discipline. Nous recevons un message où nous apprenons à travers des chansons ou la poésie et même à travers la comédie. Raison pour laquelle nous avons d'abord insisté sur le changement de comportement. Par exemple, si tu étais ivre, adultère, malfaiteur, donc de laisser catégoriquement ces mauvaises attitudes. Il faut alors que nous soyons un pilier de la vision du Burundi pour faire développer notre pays, pour que même au niveau mondial, il devienne un premier pays émergent. Présent à l'événement, Nimbona Silence, conseiller juridique du gouverneur de Burumusa, a salué l'initiative. Il indique qu'au-delà des performances artistiques, ce concours relève des talents insoupçonnés. Il a une réelle portée pour le développement du pays et remercie sincèrement la diaspora burundaise pour cette contribution précieuse. Placé sous le thème « Je suis pilier de la vision du Burundi, l'unité, mes compétences et talents en cadeau pour le Burundi », cette compétition offre des récompenses substantielles, 3 millions de francs burundais pour le premier prix, 2 millions pour le deuxième et 1 million pour le troisième. Le concours se déroule ces 5 jours. Les vainqueurs provinciaux auront l'opportunité de représenter les provinces lors de la finale nationale prévue à Bujumbura le 27 juillet. Depuis la province de Burumusa, Clovis Nyongulu, Radio Isanganiro. Actualité internationale. Le Sénat américain a permis de sauver 400 milliards de dollars du plan présidentiel d'urgence pour la lutte contre le sida. L'enveloppe menacée par les coupes budgétaires de l'administration Trump a été maintenue grâce notamment aux objections de plusieurs républicains. L'OPEPFAR a été créé par l'ex-président américain George Bush en 2003. C'est le plus grand programme de lutte contre le VIH-Sida à l'échelle mondiale avec plus de 20 millions de personnes sous antirétroviraux. Des pays africains figurent parmi les bénéficiaires. Et c'est pour dire son importance alors que, selon l'ONU-SIDA, le monde pourrait enregistrer près de 6 millions de nouvelles infections au VIH d'ici à 2029 en raison des réductions des subventions nécessaires pour la lutte contre le virus. Et la France a procédé ce jeudi à la fermeture de sa dernière base militaire au Sénégal. Les éléments français du Sénégal FS comptaient encore au moins 350 hommes dans son pays d'Afrique de l'Ouest depuis le début de la procédure de départ amorcée en mars dernier. La dernière base militaire tricolore dans la région ferme ainsi, ou du moins est rétrocédée aux forces sénégalaises, tout en symbole. Il s'agit d'un tournant majeur dans la coopération française en Afrique francophone et ses relations stratégiques. Enfin, l'Eswatini a réservé un accueil glacial aux 5 immigrants expulsés des États-Unis vers son territoire. Apparemment condamnés pour des crimes graves par la justice américaine, les 5 hommes qui sont des citoyens du Vietnam, de la Jamaïque, de Cuba, du Yémen et du Laos, mais dont les noms n'ont pas été divulgués, ont été dès leur arrivée en Eswatini amenés dans des établissements pénitentiaires jusqu'à ce qu'ils puissent être renvoyés dans leur pays d'origine. L'Eswatini est le dernier pays à avoir accepté de déporter de pays tiers en provenance des États-Unis. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi.